bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien. Donc cette semaine, mon coup de cœur, c'est un manga. Je vais vous faire deviner un petit peu c'est quoi. Donc c'est l'un des meilleurs démarrages, c'est le meilleur démarrage de manga en France pour l'instant, avec en 3 jours plus de 50 000 exemplaires vendus, par exemple. L'auteur est Kevin Tran, donc l'un des deux frères du Rire Jaune, le youtubeur. Donc vous aurez reconnu, sûrement reconnu le manga, c'est Kiehi, évidemment. Donc, Kiehi, c'est quoi? Déjà, c'est un manga très bien dessiné. L'univers que Kevin a créé est magnifique. Donc, en fait, c'est l'histoire de deux frères, donc Ki et Hi, justement. Donc, Hi, le grand frère, et Ki, le petit. Donc, le grand, Ki, il est grand, gros, et il adore martyriser son petit frère. Et le second, donc Ki, lui, il est plutôt petit, maigre et sournois, très sournois, pour se venger de son grand frère quand il l'a martyrisé. Donc attention, quand je dis se venger, martyriser, sournois, c'est gentil, hein, c'est pas un truc violent, c'est tout public. Les Game Master l'a lu, qui a 10 ans, elle l'a lu. Voilà, c'est pas un truc très méchant ni violent, hein, je vous précise. Et après, en fait, c'est plein de petites histoires qui nous montrent comment est-ce que, par exemple, à un moment, ils dévalisent un restaurant de sushi, ils font mille et une bêtises, ou bien ils sauvent leur village, le village jaune. Et du coup, ça retrace effectivement, à travers de multiples petites histoires courtes. Dans un manga, il y en a 3 ou 4, hein, par chapitre à peu près, je dis bien. Ça retrace un petit peu les nuances entre frères et toutes les petites rivalités qu'il y a, on va dire. Donc ce qui rend bien, en fait, le moment où ce manga se démarque vraiment, bah, déjà, l'histoire est vraiment géniale, enfin les petites histoires, il y a 3 tomes pour l'instant, mais il y a déjà le format où il se démarque, il est beaucoup plus gros qu'un manga habituel. Et il se démarque car en fait à chaque début de livre il y a 4, 5, 6, 7 pages en couleur. Et dans le tome 1 il y a notamment tout un chapitre en silence où tout le chapitre il n'y a aucune parole. Et arrivé le tome, en fait les 3 tomes, à chaque fois il y a un chapitre où on est le héros. Et en fait c'est une petite histoire, une petite énigme on va dire. Vous savez genre vous êtes case 1. Case 2, vous faites le choix là ou le choix là. Le choix 2 vous renvoie à la case 1 et le choix 3 vous fait avancer et compagnie. Et c'est en ces petits chapitres un petit peu différents des mangas traditionnels qui se démarquent vraiment, ce manga, et qui reste imprégné dans votre tête, on va dire, voyez-vous. Donc ce manga, il est écrit par Kevin Tran et les dessins sont de Fanny Antigri. Il est publié aux éditions Michel Lafon. Et pour l'instant, il n'y a que 3 tomes de sortie. Même si le tome 4 devrait sortir au printemps, pour l'instant il y a à peu près 120 pages je crois de dessinés et d'écrits sur les 200 si je me rappelle bien. Et il y a encore 3 ou 4 autres tomes prévus pour l'instant. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore un petit peu. Voilà. Donc j'espère vous avoir inspiré on va dire. Si jamais vous étiez en manque de manga, Kiehi, c'est un très bon choix pour toute la famille on va dire. Du petit au grand, si jamais il y a des plus petits ou des plus grands, des plus âgés qui lisent des mangas, voilà. Donc c'était Aurélien, je vous dis, et avant de se quitter, j'aimerais aussi vous préciser que je vais déjà vous donner le sujet de la semaine prochaine, vu que je le connais déjà, pour vous faire un petit peu patienter, on va dire. Je vais vous parler de My Hero Academia, donc c'est encore un manga, et d'ailleurs un super manga à mon sens, donc voilà. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Bon, c'était Aurélien, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, voilà. Au revoir.